السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous pour ce programme organisé par les membres de Durus Sunna et Radio Sunna, qu'Allah les préserve. Et en ce jour du 5 Ramadan 1442, correspondant au 17 avril 2021, nous allons entamer une série de cours, Inch'Allah, sur l'explication de quelques hadiths liés au comportement tirés du livre Bulugh al-Maram. L'auteur du livre Bulugh al-Maram est un savant du 9e siècle de l'Égypte, Abu al-Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, mort en l'an 852 de l'Égypte et connu sous le nom de Ibn Hajar. Il a écrit beaucoup de livres, la plupart d'entre eux liés aux sciences du hadith. Et parmi ses livres les plus célèbres, il y a son explication de Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Fethul Bari. Également parmi ses livres célèbres, il y a le livre que nous allons traiter, Inch'Allah ta'ala, Bulugh al-Maram, min Adillatil Ahkam. Ce livre donc, Bulugh al-Maram, fait partie de la catégorie des livres que l'on appelle en arabe Ahadith al-Ahkam, c'est-à-dire que c'est un recueil de hadiths classés par chapitre de fiqh. Donc il commence par Kitab al-Tahara, ensuite Kitab al-Salat, le livre de la purification, le livre de la prière, etc. Alors juste une petite parenthèse avant de commencer le cours. En langue arabe, on utilise le terme livre pour parler de l'écrit de l'auteur. Et également, lors du chapitrage, on a la plus haute catégorie qui s'appelle également livre, Kitab. C'est-à-dire que dans cet écrit, qui s'appelle Bulugh al-Maram, on va avoir par exemple Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Ensuite, Kitab al-Salah, le livre de la prière, etc. À l'intérieur de ces livres, on va retrouver un autre chapitrage, le chapitre des eaux, le chapitre des ablutions, etc. Donc, à ne pas mélanger, on a le livre en lui-même, et à l'intérieur du livre, dans le chapitrage, on utilise également le terme livre. Barakallahu fikum. Et il me semble, Allahu a'lam, que cette classification n'est pas propre à la langue arabe, mais même en français, on retrouve ceci. Et donc, comme on a dit, l'auteur de ce livre a utilisé le chapitrage du fiqh, donc il a commencé par la purification, ensuite la prière, ensuite la zakat, le jeûne, etc. Et à la fin de son écrit, il a ajouté Kitab al-Jami'a, le livre des généralités. C'est une partie qui ne traite pas d'un sujet particulier dans le fiqh, mais qui regroupe des hadiths dont l'auteur a vu une utilité pour le musulman et l'amélioration de ses actes. On va donc retrouver dans ce Kitab al-Jami'a des hadiths qui vont mettre en valeur les liens de parenté, l'ascétisme, les invocations, et le chapitre qui va nous intéresser ici, la bienséance ou le bon comportement. Bab al-Adab. Bab al-Adab. Al-Adab que l'on peut traduire par le bon comportement ou la bienséance ou les politesses. Qu'est-ce que l'Adab? Beaucoup de savants ont défini ce qu'est l'Adab. Ibn al-Qayyim, par exemple, a défini cela en disant « c'est l'ensemble des qualités présentes chez le musulman ». Et Ibn Hajar lui-même, rahimahullah, donc l'auteur de Bulugh al-Maram, l'a défini dans son explication de Fethul Bari en disant que c'était l'utilisation des paroles et des actes qui sont louables. On pourrait dire également que c'est le fait de traiter les autres comme on souhaiterait nous-mêmes être traités. Al-Adab a une place très importante dans notre religion. Beaucoup de livres ont été écrits spécifiquement sur ce sujet-là. Parmi eux, il y a le livre connu de l'imam al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad. Également, Manzumatul Adab d'Ibn Abdel Qawi, ou Al-Adab al-Shar'iyya d'Ibn Muflih, rahimahumullah jami'an. Beaucoup de paroles des savants, anciens et récents, ont vanté la place du Adab dans notre religion. Il a été rapporté par exemple de l'imam Malik qu'il conseillait d'apprendre le adab avant d'apprendre la science. Il a été rapporté de certains élèves de l'imam Ahmed qu'il y avait lors de ses assises plus de 5000 personnes et seulement 500 d'entre elles prenaient des notes. Alors peut-être que vous allez vous demander ce que faisaient les autres. Eh bien ils observaient, ils prenaient de lui son bon comportement. Et enfin on a Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, un savant très ancien qui est mort en l'an 181 de l'Hégire, qui a dit: celui qui ne donne pas de valeur dans le adab aura comme punition d'être privé des actes surérogatoires. Et celui qui ne donne pas de valeur aux actes surérogatoires aura comme punition d'être privé des actes obligatoires. Et celui qui ne donne pas de valeur aux actes obligatoires aura comme punition d'être privé de la connaissance. Donc le rapport entre la science, l'apprentissage et le comportement est très important. Et celui qui cherche à apprendre une science doit avoir un bon comportement. Beaucoup de salafs, de nos pieux prédécesseurs, avant de transmettre leur science, s'assuraient que leurs étudiants avaient un bon comportement. Et des livres ont été écrits particulièrement sur le comportement de l'étudiant. Parmi ces livres, on a le livre Tazkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adab al Alim wal Muta'allim. Et pourquoi je vous parle de ce livre-là? Parce qu'il est actuellement enseigné en langue française par notre frère Saad Abu Abn Rahman Hafidhahullah. Et les audios sont disponibles sur son site salafia.fr. Et je vous encourage à suivre cette série de cours profitables, Inch'Allah. Donc on a dit que l'adab était très important dans notre religion. Et les savants ont fractionné l'adab en trois catégories. L'adab avec Allah, c'est-à-dire le fait de pratiquer correctement nos adorations, de faire ce qui nous est demandé et de nous éloigner de ce qui nous est interdit, et d'être satisfait des sagesses liées à la législation et à la prédestination. On a ensuite l'adab avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est tout simplement le fait de se soumettre et d'agréer son message. Et enfin, l'adab avec les créatures d'Allah, qui est le fait de se comporter avec les autres comme on aimerait que les gens se comportent avec nous. D'autres savants, comme Sheikh Al-Uthaymeen par exemple, a défini cela comme le fait de ne pas être nuisible, d'être généreux et de se présenter avec un visage souriant, avenant. Également, selon les personnes que nous allons avoir en face de nous, le adab que nous allons apporter va être différent. Par exemple, on a un adab qui est particulier avec nos parents, avec notre enseignant, avec notre dirigeant, avec nos voisins, avec un voyageur. Donc le musulman doit donner beaucoup d'importance au adab, car il va être profitable pour celui qui le met en pratique, ainsi que pour les gens qui le vivent avec lui dans son entourage. Voilà ce qu'on pouvait dire comme courte introduction sur l'adab. Et donc, comme on peut voir, le adab a une place très importante dans notre religion. Il va nous permettre de nous améliorer et d'améliorer les autres. Car les musulmans sont frères, comme Allah dit dans le Coran, « Innama al-mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhwaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. » C'est-à-dire dans le sens approximatif des versets, « Certes, les croyants sont des frères. Réconciliez donc vos frères, afin que l'on vous fasse miséricorde. » On voit donc dans ce verset qu'il y a une fraternité entre les frères et qu'il y a une nécessité à améliorer nos échanges. Le lien de fraternité entre les musulmans est même plus fort que les liens de parenté. Donc comment améliorer notre fraternité et notre vivre ensemble? C'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, dans ces ahadiths. Donc pour tirer un maximum de profit de ces cours, Inch'Allah, on va les faire en français uniquement, sauf pour ce qui est des versets du Coran et des hadiths, où avant la traduction, on va garder la langue arabe, Inch'Allah. Donc nous sommes dans cet écrit, Bulugh al-Maram, le livre numéro 16, le livre des généralités, le chapitre de la bienséance ou du comportement. Et le premier hadith est celui-ci. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم الست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: les droits du musulman sur un autre musulman sont au nombre de 6. Si tu le rencontres, salue-le. S'il t'invite, réponds à son invitation. S'il te demande conseil, conseille-le. S'il éternue et dit Alhamdulillah, réponds-lui. S'il est malade, visite-le. Et s'il meurt, prends part à sa janaza. Ici donc le rapporteur du hadith est Abu Huraira, de son nom Abdurrahman ibn Sakhr, Ad-Dawsi, d'origine yéménite, et il est connu par sa kunya Abu Huraira, qui lui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths, il a rapporté plus de 5000 hadiths, alors qu'il n'a vécu que quelques années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il s'est converti à l'islam en l'an 7 de l'Hégire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en l'an 11 de l'Hégire. Ça fait un peu moins de 4 ans, et malgré cette courte période, il a réussi à transmettre énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons. Le hadith donc parle des droits du musulman sur le musulman. Et ce qu'on va comprendre par les droits du musulman, ce sont les choses que le musulman doit faire et ne doit pas délaisser. Et la base dans la parole « le droit du musulman sur le musulman » est que ces choses qui vont être citées sont obligatoires, sauf si quelque chose vient être ajouté en plus de cette parole-là, c'est-à-dire que on peut retrouver un verset ou un hadith qui va venir compléter ce jugement et le faire passer de l'état d'obligatoire à l'état de recommandé ou même de permis. Les droits du musulman sur un autre musulman sont au nombre de 6. Ici, le chiffre 6, ça ne signifie pas qu'il n'y en a que 6. D'ailleurs, dans une autre version de ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, on retrouve que les droits du musulman sont au nombre de 5. Et c'est une façon connue des Arabes de parler. Le fait de citer le nombre 6 ici ou 5 ne signifie pas l'exclusivité. Il n'y a pas uniquement 6 ou uniquement 5 droits du musulman sur le musulman. On va retrouver dans d'autres hadiths d'autres droits du musulman sur le musulman. Comme par exemple le hadith « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » le hadith de Anas rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'a pas la foi complète celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui-même. » Ceci est un droit du musulman sur nous, le fait que l'on doit aimer pour lui ce qu'on aime pour nous-mêmes. Donc ici le terme « 6 » ne veut pas dire qu'il y a uniquement 6, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, en a cité 6. Et le fait de dire « les droits sont au nombre de 6 », ça va nous faciliter dans un premier temps la mémorisation de ces 6 choses-là. Par exemple, celui qui n'a pas mémorisé ce hadith, il va se souvenir des 6 points qui sont compris dans ce hadith. Une fois qu'il aura les 6, il sait qu'il n'en aura pas oublié. Également, le fait de citer un chiffre suscite l'intérêt. Et jusqu'à nos jours, on retrouve beaucoup cette façon de faire dans les journaux et dans les médias. Le fait de citer un chiffre, même s'il n'est pas exclusif, va susciter l'intérêt. Par exemple, 5 bonnes raisons d'améliorer son alimentation, 10 choses à savoir sur les épidémies, ce genre de choses-là. Donc le fait de citer ce chiffre va susciter notre intérêt. Le premier des 6, si tu le rencontres, salue-le. Donc si tu rencontres ton frère musulman, salue-le. Comment le saluer ? Assalamu alaikum. Ou alors Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou la version la meilleure et la plus complète, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la réponse, Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc quel est le jugement sur le fait de passer le salam, puisqu'on a dit que la base de ces 6 choses-là que nous allions voir, c'était l'obligation. Mais ici, les savants ont rapporté d'autres preuves qui montrent que le fait de passer le salam n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose de très recommandé. Donc quel est le statut juridique de passer le salam, puisqu'on a dit que la base des choses que nous allons citer était l'obligation. Mais ici, les savants ont utilisé d'autres textes pour en déduire que ce n'était pas obligatoire, mais fortement recommandé. Et parmi les preuves qu'ils ont utilisées, le fait qu'il est autorisé dans certains cas particuliers de ne pas passer le salam à une personne. Mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de manière générale à passer le salam et même à saluer en premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle justement du fait que deux personnes ne doivent pas délaisser le fait de se passer le salam plus de 3 jours, et à la fin il dit sallallahu alayhi wa sallam wa khayruhum alladhi yabda'u bis salam, et le meilleur d'entre eux est celui qui commence par le salam. Et d'autres hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à commencer par le salam. Par contre, le fait de répondre au salam est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Dans le sens des versets, lorsqu'il vous est adressé un salut, adressez-en un meilleur ou rendez le même salut. Certes, Allah tient compte de tout. Donc on voit ici l'ordre de répondre au salam de la même manière ou d'une meilleure manière. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit assalamu alaykum, vous pouvez lui répondre wa alaykum assalam de la même manière, ou alors d'une meilleure manière wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et par contre, quelqu'un qui vous salue en disant assalamu alaykum wa rahmatullah, vous ne pouvez pas lui répondre wa alaykum assalam, puisque le verset nous demande de répondre de la même manière ou d'une meilleure manière. Donc on dira au minimum wa alaykum assalam wa rahmatullah, et de la meilleure des manières wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors peut-être que certains vont se demander, très bien, alors comment répondre de la meilleure des manières pour quelqu'un qui nous dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les savants ont répondu à cela en disant qu'il répond wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, et il ajoute une invocation derrière, comme par exemple hayyakumullah. Parmi les différentes façons de passer le salam, on a également certaines personnes qui disent assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc ils ont rajouté ta'ala. Et le Shir Abdel Mohsin Al-Abed a été questionné là-dessus dans son explication de Sunan Ibn Majah, et il a répondu que cette façon de faire n'a pas été rapportée, donc elle doit être délaissée. Et dernier point sur la façon de passer le salam, pour ne pas être trop long, quel est le mieux entre le fait de dire assalamu alaykum ou alors assalamu alayka pour une seule personne, ou alors le fait de dire salamun alayka, ou alors assalamu alayka? Et Sheikh Al-Uthaymeen lui a dit que le mieux était de dire pour une seule personne assalamu alayka, wallahu a'lam. Par contre, sur le fait de dire alayka salam ou alors wa alayka salam, il a dit que c'était pareil. Enfin, dernier point sur le salam, que signifie assalamu alayka? Des savants ont dit que assalam c'était un des noms d'Allah, et il a été dit également que c'est le sens de l'invocation, et de manière générale ce qui est voulu par assalamu alayka, afin qu'il soit en paix, en sécurité, et qu'il ne soit pas touché par des nuisances. Le deuxième droit du musulman sur son frère, s'il t'invite, réponds à son invitation. La base donc de cette invitation, c'est le fait d'inviter quelqu'un à un repas de mariage, al-walima. Mais certains savants ont dit que, même au-delà de la walima, le musulman doit répondre à cette invitation. Donc le jugement sur le fait de répondre à cette invitation est que c'est obligatoire pour ce qui est du repas de mariage, et en dehors du repas de mariage, c'est conseillé. Par contre, il y a des conditions pour que le musulman soit dans l'obligation de répondre à cette chose-là. Il faut que cette invitation soit particulière pour cette personne-là. Par exemple, si quelqu'un dit dans une assise « Vous êtes tous invités à mon repas de mariage », alors il n'a pas l'obligation d'y répondre. Ou si un enfant vient vous voir et vous dit « Tu es invité à ce mariage », alors ce ne sera pas non plus à prendre en compte, sauf s'il dit « Mon père m'a demandé de t'inviter ». Alors à ce moment-là, il devrait y répondre obligatoirement. Également, il y a des choses qui empêchent d'assister à ce mariage, comme par exemple si une personne est malade, si le mariage est dans un endroit très éloigné, ou si à l'intérieur de ce mariage, il y a des choses interdites, des choses répréhensibles que vous ne pourrez pas vous changer. Vous n'avez pas la capacité de les empêcher. Alors vous n'avez pas l'obligation d'assister à ce mariage. Par exemple, si c'est un mariage où il y a de la musique, et que vous, vous êtes dans l'incapacité de dire « je viens mais il faut couper la musique », s'il laisse la musique, alors vous n'avez pas l'obligation d'aller à ce mariage. D'ailleurs, vous avez l'interdiction d'aller à ce mariage. Le troisième droit du musulman sur son frère, s'il te demande conseil, conseille-le. Également, le fait de donner conseil à quelqu'un qui nous l'a demandé est une obligation. Nous sommes dans l'interdiction de tricher ou de mentir. Par exemple, si une personne vous demande conseil concernant le mariage, ou sur un voyage qu'il veut faire, ou sur un achat, alors vous devez lui transmettre ce que vous connaissez, ce qui pourra l'aider à prendre une bonne décision pour lui, et vous n'avez pas le droit de lui cacher des choses, comme vous n'avez pas le droit de parler sans science. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « je veux faire un commerce avec un tel », si vous, vous avez entendu des choses sur cette personne-là, mais que ces choses-là ne sont pas avérées, c'est juste des rumeurs, vous n'avez pas le droit de lui dire « ne le fais pas parce que j'ai entendu que ». Vous devez vous assurer de ce que vous allez transmettre. Par contre, si vous êtes sûr que cette personne-là est quelqu'un de mauvais, vous n'avez pas le droit de ne pas lui dire. Et ça ne rentre pas dans la médisance, mais ça rentre plutôt dans le bon conseil. Et d'ailleurs, le bon conseil ne se fait pas uniquement suite à une demande. Vous pouvez conseiller votre frère, bien évidemment, avant même qu'il vous ait demandé votre avis. Le quatrième droit, s'il éternue et dit « Alhamdulillah », réponds-lui. Donc ici, on a la condition de quelqu'un qui éternue et qui dit, après avoir éternué, « Alhamdulillah ». Vous avez l'obligation à ce moment-là de lui répondre Yarhamukallah. Donc, alhamdulillah, les louanges à Allah, et yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Ensuite, à lui de vous répondre, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. C'est-à-dire qu'Allah vous guide et améliore votre situation. Donc, ce hadith parle du droit du musulman envers le musulman. C'est-à-dire que si un non-musulman éternue et dit alhamdulillah, comme c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des juifs qui faisaient ça pour recevoir des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur répondait pas yarhamukallah, mais plutôt yahdikumullah wa yuslihu balakum, c'est-à-dire qu'Allah vous guide et améliore vos situations. De la même manière, si un musulman éternue mais ne dit pas alhamdulillah, vous n'avez pas non plus l'obligation de lui répondre yarhamukallah. Vous n'avez pas non plus l'obligation de lui dire « Dis Alhamdulillah » pour qu'ensuite je puisse te dire « Yarhamukallah ». Et ici, on pourrait se demander, quelqu'un qui éternue, pourquoi il dit Alhamdulillah ? Les louanges appartiennent à Allah. Sachant que l'éternuement n'est pas quelque chose qui est venu de notre volonté. La réponse à cela est de dire « Nous disons Alhamdulillah parce que cela nous a été ordonné ». Et notre exemple en cela, c'est Adam qui, lorsqu'il fut créé par Allah subhanahu wa ta'ala, a éternué. Ensuite, Allah lui a enseigné comment se comporter. Mais on peut ajouter à cela, parmi les sagesses du fait de dire Alhamdulillah, et que c'est une ni'ma, cet éternuement. Rendez-vous compte que de nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de provoquer cet éternuement. C'est Allah qui a fait que notre corps produit cet éternuement. Et que fait cet éternuement ? Parmi les choses qui ont été évoquées par les médecins, il expulse des microbes qui n'ont pas pu être expulsés par le comportement normal de notre corps, à savoir les muqueuses qui se trouvent dans notre système respiratoire, etc. Donc celui qui se rappelle de la ni'ma d'Allah, qui est dans cet éternuement, Inch'Allah n'oubliera pas de dire Alhamdulillah. Cinquième droit du musulman, s'il est malade, visite-le. Mais pas n'importe quel malade. Quelqu'un par exemple qui s'est foulé la cheville, mais qui ne change rien à son comportement habituel, vous n'aurez pas l'obligation d'aller le visiter, puisque lui-même sort de chez lui. Le malade qui est visité, c'est celui qui a besoin de la visite. Et une personne, par exemple, qui est malade, qui ne peut pas sortir de chez lui, on doit l'aider, on doit être à son service. Sauf l'exception de celui dont on connaît qu'il n'aime pas qu'on le visite, qu'il a déjà sa famille qui s'occupe de lui, etc. Alors là, l'obligation n'est pas à mettre en application. Mais celui qui est malade chez lui, qui ne sort pas. Alors la base est qu'il est de notre devoir d'aller le visiter et d'être à son service, ne serait-ce que lui demander est-ce qu'il a besoin qu'on lui ramène quelque chose, puisque lui-même ne peut pas sortir. Ou une simple visite, le fait de voir des gens, le fait de discuter avec lui, ça va lui apporter de la joie. Et cette joie-là peut jouer, bien sûr, pour lui améliorer sa situation et pour l'aider à combattre sa maladie. Ensuite, concernant la visite de cette personne-là, on évite d'être négatif. On utilise un vocabulaire optimiste. On ne va pas voir quelqu'un qui est malade en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que c'est grave ?» On utilise un vocabulaire positif. « Tu as l'air en bonne santé. Tu es en meilleure situation qu'hier. » Sauf l'exception où c'est un cas médical où la personne est en fin de vie. Alors à ce moment-là, on aura un autre comportement. Mais sinon, on visite notre frère en essayant de lui apporter toute l'aide qu'on peut, ne serait-ce qu'essayer de lui redonner le sourire. On peut dire par exemple « La ba's tahur inshallah », c'est-à-dire on lui rappelle qu'il n'y a pas de mal dans cette maladie et qu'à travers cette épreuve, Allah va lui accorder une récompense. Soit en lui retirant des péchés qu'il a faits, soit en lui donnant la récompense d'avoir réussi à patienter cette épreuve, soit les deux. Le jugement sur le fait de visiter un malade est que ce n'est pas obligatoire, même si certains savants l'ont dit. Et Sheikh Ibn Baz a rapporté que c'est un « fard kifaya », c'est-à-dire que c'est un devoir communautaire qui doit être accompli par une partie de la communauté. Si personne ne va visiter ce malade particulier, alors les gens sont pécheurs. Mais il suffit qu'une personne aille le visiter pour que les gens n'aient plus de péché. C'est le même jugement que le fait de faire l'adhan, par exemple. L'adhan, c'est une obligation. Ou alors le fait d'assister à une prière mortuaire, comme on va voir dans quelques instants. C'est une obligation pour la communauté musulmane, mais pas pour chaque musulman, comme c'est le cas de la prière, par exemple. La prière est obligatoire pour tous les musulmans, mais l'adhan est obligatoire pour la communauté musulmane. Il suffit qu'une personne le fasse pour que l'obligation soit remplie. Dernier point, on parle ici du droit du musulman sur le musulman, mais il est également possible d'aller visiter un malade qui n'est pas musulman. Si on voit que cette personne est réceptive à l'islam, on peut aller le visiter et l'appeler à l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec cet enfant juif qui par la suite s'est converti à l'islam. Et le sixième et dernier droit du musulman, et s'il meurt, prend part à sa janaza. La janaza, c'est la prière mortuaire. Donc comme on a dit il y a quelques instants, c'est un devoir communautaire qui doit être uniquement rempli par une partie de la communauté. Et une fois que ces personnes-là ou que cette personne-là l'a accompli, les autres n'ont plus à le faire. Donc qu'est-ce qui rentre dedans ? Le fait de suivre le cortège funéraire, le fait d'assister à l'enterrement, à la mise en terre, et le fait d'invoquer pour lui suite à l'enterrement. Et ici on va voir, comme dans les autres points précédents, qu'il y a un intérêt pour le musulman et pour son frère. Par exemple ici, le fait de suivre le cortège funéraire, il y a un intérêt pour le défunt, car on va invoquer pour lui, et pour la personne qui y assiste, car ça va lui rappeler la mort, ça va le rapprocher d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même cité la récompense qu'aura cette personne-là. Il est dit dans le hadith que l'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, rapporté également par Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man shahida janazatan hatta yusalli falahu qirat » ومن شهد حتى تدفن كان له قيراتان قيل ما القيراتان قال صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين. C'est-à-dire celui qui suit le cortège funéraire aura la récompense d'un qirat, et celui qui assiste au cortège funéraire et à l'enterrement aura qiraten. Et qirat, il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit c'était deux grandes montagnes, donc c'est-à-dire l'équivalent en hasanat de deux montagnes immenses. Et donc ici également, on peut avoir des situations où on ne doit pas assister à un cortège funéraire ou à un enterrement, comme on a vu pour l'invitation au repas de mariage, si on sait qu'il y aura des choses répréhensibles. Et le Sheikh Al-Uthaymin a cité une règle où il a dit « Chaque situation où il y a un mal qui ne peut être changé, alors notre présence y est interdite. » C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller dans un endroit où on sait qu'il y a un mal et on n'a pas la capacité de le changer. Donc rentre dans cette règle-là le fait d'aller à un mariage où il y a de la musique, par exemple. Le fait d'aller dans un enterrement où les hommes et les femmes vont être mélangés. Et l'application de cette règle est beaucoup plus vaste. Par exemple, le fait d'être dans un groupe WhatsApp où se propagent des choses interdites, si vous n'avez pas la capacité de changer cette chose-là, vous n'avez rien à faire dans ce groupe. La dernière chose que je voulais dire concernant ce hadith, c'est qu'on a fait la différence entre certaines choses qui étaient obligatoires et d'autres qui n'étaient pas obligatoires. Et j'ai vu qu'il y avait une très mauvaise compréhension de certaines personnes du terme « pas obligatoire ». La différence entre quelque chose qui est obligatoire et quelque chose qui est recommandé, beaucoup de personnes ne la comprennent pas. La différence entre une chose qui est obligatoire et une chose qui est recommandée ne signifie pas que la chose recommandée peut être délaissée sans raison. La chose qui est obligatoire et la chose qui est recommandée, dans ces deux choses-là, il y a une récompense pour celui qui l'a fait. Et cette récompense peut être immense. Également, dans ces deux choses-là, on peut dire que Allah les aime. Et Allah nous a demandé de les faire. Donc pour quelle raison la délaisser ? La seule différence qu'il y a entre ces deux choses-là, c'est que celui qui la délaisse, quand ce n'est pas une obligation, il n'aura pas de péché. Mais la base n'est pas le délaissement de cette chose recommandée. Car par définition, elle est recommandée par Allah. Donc le musulman doit donner de l'importance et doit se motiver à faire les choses qui ne sont pas obligatoires. Certaines sont simples et certaines sont compliquées. La prière de Tarawih, par exemple, pour ceux qui sont dans un pays où le Tarawih est pratiqué, malgré que ce ne soit pas une chose obligatoire, c'est une chose qui est facilitée pour beaucoup de gens. Parce qu'ils savent qu'il y a une énorme récompense dans le fait de se regrouper à prier en commun dans ce mois béni de Ramadan. Et il se peut que cette œuvre, qui ne soit pas obligatoire, soit la cause de ton entrée au paradis. Donc il ne faut pas délaisser ces choses-là. On a l'exemple de la situation où l'homme va se présenter devant Allah avec des prières obligatoires manquantes. Et il lui sera demandé... Qu'est-ce qu'il a apporté comme prière surérogatoire ? Donc regardez ici l'importance des choses qui ne sont pas obligatoires. Si cette personne-là n'avait rien ramené, que les choses obligatoires et qu'elles sont manquantes, alors quelle aurait été sa situation? Et c'est la sagesse que l'on retrouve dans les prières surérogatoires. Le fait de faire des prières avant ou après une prière obligatoire, ça va faciliter la concentration. Le fait de faire sa prière à l'heure, puisque celui qui va faire une prière avant la prière obligatoire aura les ablutions, aura la concentration. Et si on regarde bien, Allah, par sagesse, a mis beaucoup d'actes surérogatoires autour d'actes obligatoires. Par exemple, les 6 jours de Shawwal, le fait de jeûner le lundi et le jeudi. Tout cela pour faciliter les actes obligatoires. Et en ce qui concerne le jeûne, il y a même une porte du paradis spécifique pour les gens qui faisaient des jeûnes au-delà du jeûne obligatoire. Beb Ryan, qui d'entre nous n'a pas envie de rentrer au paradis par cette porte? Et on demande à Allah qu'il accepte nos adorations et qu'il fasse de nous parmi ceux qui rentrent par cette porte. Ryan. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce hadith. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum. La suite de l'explication des hadiths sera la semaine prochaine, samedi prochain, inshallah. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.